Alors, l'acousmonium du festival. Donc, l'acousmonium, c'est un orchestre de haut-parleurs. C'est celui de l'AMEG. Ça fait plus de 30 ans que l'AMEG collabore avec Archipel, bientôt 20. Non, j'exagère. 20 et quelques. Ah non, mais en fait, avant qu'on vienne ici, on avait déjà fait les acousmoniums avec Archipel à la... Ça montre que c'est un vieux festival. En Sermet, donc ouais, t'as pas tort, c'est peut-être pas loin de 30 ans. Donc c'est un orchestre de parleurs, c'est Thierry Simoneau qui en est l'âme et le cœur, et le manipulateur. Bon, c'est collectif, on est plusieurs. Hein, il y a une équipe, mais en tout cas, quand même, depuis... En tout cas, ces années... Et là, on va écouter les pièces, les sorties de, on peut dire, de workshop ici même d'étudiants de la HEM et une pièce d'un étudiant, enfin, d'un alumni de la HKB. À savoir que cette pièce avait été écrite quand même en amont, ça tu pourras peut-être en dire. Hein. Donc c'est plutôt, quand on dit sortie de workshop, je dirais sortie du travail avec la Cousmagnon. Ils ont travaillé probablement en autophonie ou en polyphonie, voire en stéréo. Tout en stéréo. Donc, voilà, je vais passer la parole à Louis Lam, qui est un des professeurs de ces étudiants et qui va aussi pouvoir les nommer. Merci. Oui, merci Marie, merci Denise, merci Pierre pour ce travail. On adore le moment de nous confronter dans la classe de composition dans laquelle depuis cette année il y a une nouvelle professeure qui est Catalina Rosenberg qui est là aussi. Gilbert Nouneau et moi-même sommes professeurs d'électronique. Alors on fait ces première pièce concrète acousmatique, parfois il y a des sons qui ne sont pas que concrets, la différence est subtile, les dénominations sont compliquées, on ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais en tout cas ces pièces sont travaillées, préparées par les étudiants depuis septembre, pour la plupart d'entre elles, donc c'est des pièces qui sont des courtes pièces, je dirais, il n'y a pas des longues durées. C'est assez normal, c'est volontairement comme ça, on n'aborde pas la question de la forme, sauf la pièce de Tobias Rötschi, qui est notre invité, qui vient de l'école de Berne, et qui est une pièce qui est plus conséquente, plus longue. C'est un alumni, donc il a sûrement fait plusieurs autres pièces, donc ça explique sa position à la fin du concert. Alors le concert va démarrer avec une pièce d'un étudiant en multimédia, chez nous, qui est Tom Burin. Alors chacun d'eux va se présenter, va dire juste le nom, son nom et le titre de la pièce, parce que je suis nul, je ne me souviens jamais des titres, je me souviens des pièces de mes étudiants, mais jamais des titres. Donc s'il nous le rappelle, c'est super. Donc il y aura Tom Gurin, je ne dirai pas les gens dans l'ordre, il y a Clovis Rostand, il y a ensuite Hilario Flores, il y a Florencia Novoa, il y a Lucia Vite, il y a Thomas Weiss, il y a Benjamin Magnin. Drian Courangère, mais c'est un nom composé, donc c'est un peu barbant. Il va le dire tout à l'heure. qui j'oublie encore, Edith Oberson, Enzo Meacci, donc probablement je vais diffuser sa pièce parce qu'il est là Enzo ? Non, il va, il a eu un contretemps mais il ne va pas venir, donc c'est moi qui diffuserai. Et il y a Daniel Goldstein et Thomas, on a dit Thomas Gurin, Thomas Weiss, je l'ai nommé, j'ai oublié personne, mais dites-moi. Et Tobias, oui, que tu veux. Donc voilà, bon concert. Corriger, c'est sûr, c'est bien. Ok. Bonjour. Je m'appelle Tom Courant et le titre de cette pièce est Scraped Shards. Je m'appelle Clovis Roustan et la pièce s'intitule « Rêve fiévreux ». Bonjour, moi c'est Benjamin Driancourt-Mangin et la pièce que je vais diffuser s'appelle « Cela en vaut la peigne ». flow, n'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Florencia Novoa et la pièce s'appelle Crunch Bang. Je m'appelle Thomas Weiss et ma pièce s'appelle Klesch le Solki. Je ne m'appelle pas Enzo Meacci, mais Luis Nahon, mais je vais diffuser la pièce de Enzo Meacci qui s'appelle Étude pour une boîte à billes. Bonjour, je m'appelle Hilario Flores Coni. Cette pièce s'appelle Paysaje desmontable. Thank you. Juste pour vérifier un truc, si c'est moi qui fais une bêtise, c'est pas impossible. Non, a priori, non, parce que là, quand je te rechoppe, en fait, soit ta main a glissé. Ah oui, pardon, c'est ça. Tu vois, ce bouton qui est ici, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais en bas à droite de la console, si jamais votre main glisse dessus, ben en fait, ça mute une moitié du dispositif. C'est pour ça que je me disais, mais c'est au parlant. Donc voilà, petit accident en cours de route, mais c'est quand même bien. Merci beaucoup, Hilario. Il explique la double fin de la pièce d'Hilario. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Cela ne veut pas dire que nous ne reculons pas. Je m'appelle Lucia Vité et vous allez écouter une pièce qui s'appelle Croustiflasque et Pétricor. C'est pas mal. Thank you. Danke euch, dass ihr alle gekommen seid, dieses Konzert zu erfahren. Merci à tout le monde d'avoir venu écouter ce concert. Moi, je m'appelle Daniel Goldstein et la pièce s'appelle Egg IRL. Hello everybody, my name is Tobias Röthschy, and this piece is called Cool Sounds That I Collected During My Research. Thank you. juste pour vous dire un petit mot, enfin, j'aimerais remercier tous les étudiants parce qu'il y a vraiment très peu de temps pour jouer avec un dispositif qui est quand même assez bien achalandé. Et je pense qu'ils sont vraiment toutes et tous très très bien sortis. C'est des fois un peu genre, oh là là, on n'arrive pas à goûter tous les haut-parleurs, on aimerait avoir plus de temps. Mais enfin, vraiment, merci beaucoup à vous toutes et vous tous. J'étais très content de ce que j'ai entendu. Merci. Merci à toi. Ça m'a déplu.